S'en viennent de tout partout, ouais, chers bons camarades. Les mardis gras s'en viennent de tout partout, ouais, tout alentour du moyeu. Donnez-nous autres une petite poule grosse pour qu'on se fasse un grand veau gras. Donnez-nous autres une petite poule grosse, ouais, tout alentour du moyeu. Donnez-nous autres un peu de graisse, s'il vous plaît, mon carami. Donnez-nous autres un peu de riz, ouais, tout alentour du moyeu. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons se mettre sur le chemin. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons aller chez l'autre voisin. On vous invite tous pour le bal à soir, mais là-bas à grand amour. On vous invite tous pour le gros bal, ouais, tout à la tour du moyeu. On vous invite tous pour le gros combo, mais là-bas dans la Louisiane. On vous invite tous pour le gros combo, mais là-bas dans la Louisiane. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons se mettre sur le chemin. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons aller chez l'autre voisin. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons se mettre sur le chemin. Capitaine, capitaine, voyage ton flag, allons aller chez l'autre voisin.